À l'occasion de la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée, les syndicalistes et syndiqués de tout le pays ont préparé une locomotive électrique dénommée Commémoration de la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée. La cérémonie de remise s'est déroulée le 23 courant au complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, des syndicalistes, des ouvriers et syndiqués de la ville de Pyongyang, ainsi que le personnel du complexe. Après le rapport, le certificat de remise de la locomotive électrique est transmis à un cadre du secteur du transport ferroviaire.